Zoe Hocker est soudeur. Il se perfectionne dans le métaverse avec la plateforme de formation virtuelle de ForgeFX. Selon lui, la soudure virtuelle permet de s'entraîner autant qu'on le souhaite, d'améliorer ses compétences et de saisir des opportunités. Grâce à la Tulsa Welding School, Zoe et d'autres soudeurs peuvent utiliser la plateforme de ForgeFX pour renforcer leur expertise et répondre à la demande de travailleurs qualifiés dans le contexte économique actuel. Voilà comment des professionnels qualifiés utilisent le métaverse aujourd'hui. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Spoliation nazie, à la recherche des œuvres perdues. La spoliation désigne l'action de déposséder par la violence ou par la ruse, c'est ce qu'indique le trésor de la langue française. Formidable, dictionnaire en ligne. Mais il y a aussi la spoliation d'héritage, de lettres, de bijoux. Quant au verbe spolier, le dictionnaire précise son utilisation. On dit spolier quelqu'un de quelque chose, spolier un orphelin de son héritage, spolier une famille juive de ses œuvres. Dès lors, ce sont bien les gens qui sont spoliés, et non les œuvres. Toutefois, le sens du mot a évolué, comme l'explique le ministère de la Culture, en charge de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Voilà ce qu'on peut lire sur le site. Si le terme spolié s'applique initialement aux propriétaires dépossédés, il qualifie désormais, dans l'usage courant, les biens eux-mêmes. L'évolution d'un mot est lourde de sens. Qu'en est-il du mot restitution ? Je t'attendais à 18h, il est 18h10. Je vous présente mes excuses, Madame Altman, ça roulait mal sur Wilshire. Tu as l'air fatigué et stressé, mais tu n'es pas vilain. Tu étais si maigrichon. Merci. Alors, que sais-tu sur les restitutions d'œuvres d'art ? Rien du tout. Bien, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Entre donc quelques minutes. Un peu de strudel, je l'ai fait spécialement pour toi. Un extrait du film La femme au tableau avec... par ce film de Simon Curtis en 2015, l'entrée en la matière. Le mot spoliation, je l'ai évoqué, a évolué dans son sens. En tout cas, l'utilisation du verbe spolier. On spolie des gens de leurs œuvres. Aujourd'hui, on parle d'œuvres spoliées. Bonjour Corinne Erkovitch. Dites-nous, quant au mot restitution, il a toujours été un mot employé pour désigner la même chose et on peut le dire presque déjà pendant la guerre. L'idée de « un jour, il faudra restituer ses œuvres ». Oui, absolument. Bonjour. On commémore cette année la déclaration solennelle de Londres du 5 janvier 43, qui déjà, donc au tout début de l'année 43, annonce 17 pays alliés se réunissent à Londres et annonce que ce pillage inédit qui est perpétré par l'Allemagne nazie sera sanctionné et les personnes spoliées se verront restituer leurs biens. Donc c'est très tôt. Oui, c'est très important de le souligner hein, dès le début. Il y a une politique systématique, on peut le dire, de la part des nazis, des Allemands, des occupants, alors en pays conquis, et ils considèrent que c'est leur territoire dans ces cas-là, ou en pays occupé. C'est une politique systématique mise en place. C'est une politique systématique extrêmement organisée et qui naît en Allemagne dès les lois de Nuremberg en 1935. Donc c'est très au point quand les Allemands... occupent l'Europe, ils sont très très au point sur l'appréhension et l'appropriation du patrimoine, des patrimoines juifs et de toutes les personnes persécutées. Et c'est une organisation à la fois extrêmement pointue et basée sur des concepts juridiques très étudiés, très forts. On tord les principes juridiques pour en faire une appropriation légale. Corinne Erskovitch, vous êtes avocate spécialiste de la question des restitutions artistiques et vraiment l'idée du juridique ici prend tout son sens. Quel est l'argument avancé de la part des Allemands pour justifier le fait qu'ils s'accaparent ces œuvres ? Bien, à partir du moment où les Juifs sont des hommes et des femmes qui sont exclus de la communauté, il est tout à fait normal que les biens soient considérés comme des biens abandonnés, des biens libres, et donc tout à fait appropriables. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, pour parler de cette question des spoliations, Inès Rothermuth-Reinhardt, bonjour. Bonjour. Et David Zivi, bonjour. Bonjour. L'idée qui a été évoquée là sur l'argumentation de dire pourquoi nous allons prendre ces œuvres, ben voilà, elles ne servent à personne. Et puis, il y a sans doute une réflexion beaucoup plus profonde, peut-être, je m'adresse à vous Inès Rothermuth-Reinhardt, de détruire même l'identité, la mémoire et peut-être tout simplement l'économie de toutes ces familles. Alors oui, effectivement, oui, et je suis d'accord avec Corinne Herskovitch, effectivement, les lois de Nuremberg, c'est 35, mais ça commence même plus tôt, ça commence en mai 1933, donc avec, en fait, les livres qui brûlent. Donc je pense que tout au début, c'était les penseurs, les écrivains qui ont été condamnés, pas seulement les juifs, mais tous ceux qui représentaient la liberté de l'esprit. Et donc, effectivement, c'est très systématique. On veut d'abord effacer la pensée libre et ensuite on détruit. C'est une mort économique, en fait, une mise à mort avec des lois qui justifient donc les spoliations et les ventes forcées. Et ensuite, comme on le sait tous, bien sûr, la mort physique dans les camps de concentration. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre ça dans ce contexte et voir à partir de 1933 ce qui se met en place. Alors pour les biens culturels, c'est un poil plus compliqué, parce qu'en 1933, la politique nazie culturelle sur ces points-là n'est pas encore vraiment au point, si vous voulez. C'est-à-dire il y a un débat entre notamment Goebbels, qui pensait que l'expressionnisme allemand pourrait tout à fait représenter l'esprit allemand, alors que finalement c'est l'opinion, l'idéologie de Alfred Rosenberg qui prend le dessus et qui va exclure principalement à partir de 1937, ça devient visible, ça devient lisible avec l'exposition Art dégénéré qui est organisée à Munich et qui va ensuite circuler dans différentes villes allemandes et qui montre en fait dans les yeux de l'idéologie nazie tout cet art qui est considéré comme dégénéré, comme malsain, comme malade et qui exclut, c'est les Allemands, ils commencent à exclure dans leur propre musée l'art qui n'est plus apte à être exposé. Et c'est en fait, c'est en étudiant ce systématisme en fait, qui se met en place dès le début du régime, on comprend, en fait, on aurait pu, enfin, après coup, c'est toujours plus facile, mais on aurait pu comprendre, en fait, cette idéologie qui se met en place et qui devient extrêmement meurtrière et terrible après, pendant la guerre. Avec l'art dégénéré qui est censé disparaître. C'est pas la même chose pour d'autres spoliations, et je pense à des œuvres plus anciennes, reconnues, légitimées. David Zibi, c'est quoi l'idée là? C'est de tout ramener en Allemagne pour faire quoi? Un musée géant? Alors il y a visiblement différentes motivations. Les Allemands recherchent un certain nombre d'œuvres qui sont dans ce que l'on appelle, mais le terme est peut-être discutable, le goût allemand, le goût nazi, des œuvres classiques, des œuvres de la peinture des écoles du Nord, des écoles hollandaises, écoles allemandes, flamandes. Certains servent pour leur propre collection personnelle. On pense régulièrement à Göring, à Ribbentrop. Certains se servent, certains achètent, mais dans des conditions souvent douteuses. Et puis, il y a un projet donc pour les œuvres qui sont dans ce goût-là, il y a le grand projet de musée d'Hitler à Linz, pour lequel un certain nombre d'acheteurs, de marchands, d'intermédiaires se déplacent partout en Europe avec beaucoup de fonds pour acheter, dans des conditions parfois normales, mais bien souvent douteuses, des œuvres pour ce musée. Et puis, certaines œuvres, celles notamment de l'art dégénéré, sont volées et détruites, ou sont volées et servent de monnaie d'échange pour essayer de récupérer des œuvres plus dans le goût recherché. Et donc des Matisse, des Picasso qui sont volés dans des collections privées se retrouvent échangés contre des toiles plus classiques et ces toiles modernes repartent sur le marché de l'art et vont circuler et on les recherche et parfois on les trouve encore aujourd'hui. Un mouvement d'ampleur. Ceci était le château du docteur Goebbels. Et M. von Ribbentrop s'était procuré celui-ci en expédiant son propriétaire à Dachau. Volé par les seigneurs du Reich, voici des lingots d'or, de l'argenterie, des billets de banque, des tableaux de maître, puis des collections publiques et privées. L'Allemagne était devenue la caverne d'Ali Baba. Mais avec beaucoup plus de 40 voleurs, tout ce joli monde paiera. Tout ce joli monde paiera, le journal des actualités françaises en juin 1945. Dites-nous, Corinne Herskovitch, a-t-on une idée de l'ampleur de ces spoliations? On arrive à chiffrer? C'est très difficile, mais on parle de plus d'1,5 million œuvres qui ont été déplacées pendant le conflit. Donc c'est absolument gigantesque. Et vous comprenez que, d'après ce qui s'est dit jusqu'à présent, ce sont des œuvres qui font des mouvements extrêmement complexes, puisqu'on a des œuvres dans tous les territoires occupés par les Allemands qui sont transportées vers l'Allemagne. Et puis on a ces œuvres qui sont considérées comme de l'art dégénéré, qui vont circuler et qui vont circuler beaucoup vers les États-Unis, parce que les Allemands vont comprendre que, en fait, c'est pas seulement une monnaie d'échange contre d'autres tableaux, c'est aussi un moyen de se procurer de l'argent. Et il va y avoir une porte de sortie en Suisse. La maison de vente Fischer va être très connue pour mettre en vente tous ces tableaux qui vont être achetés massivement par les Américains et qu'on va donc retrouver dans les musées américains après-guerre, ce qui va poser notamment un grand problème aux musées américains quand la restitution de ces tableaux, la question de la restitution de ces tableaux va se poser à partir de la fin des années 90. Les Américains vont prendre conscience que leurs musées sont remplis de ces tableaux qui, entre-temps, ont pris énormément de valeur. Et oui, pendant la guerre, les affaires continuent, bien sûr, pour certains. David Zivi, sur l'ampleur, sur ce nombre d'œuvres, très difficile, hein, parce que l'origine de ces œuvres est très variée. Oui, alors, il y a ce 1 500 000... Si on veut parler de la France, on a donc le pillage a lieu partout. En France, on évoque toujours le chiffre de 100 000 œuvres d'art volées ou vendues sous la contrainte. C'est évidemment un chiffre très très arrondi, établi sur la base des signalements, réclamations faites après la guerre. Mais on sait que tout le monde n'a pas signalé. Beaucoup de gens avaient autre chose à faire et d'autres urgences plus importantes. Il y a également 5 millions au moins de livres, volés uniquement en France. Et on parle d'œuvres d'art, on parle de biens culturels plus largement avec les livres. Et puis, juste, c'est toujours important de le signaler, nous parlons aujourd'hui d'œuvres d'art, mais il ne faut pas oublier que ça n'est qu'une petite partie de l'ensemble des spoliations. Les spoliations visent l'ensemble des biens, l'ensemble des objets quotidiens, les meubles. Et on sait que, je crois qu'à peu près 40 000 appartements à Paris ont été pillés de fond en comble. Il n'y a pas toujours d'œuvres d'art, ou souvent, en général, il n'y a pas d'œuvres d'art, quelques-unes. Donc voilà, c'est un mouvement général. Et ces objets, en effet, sont restés parfois en France, sont partis à l'étranger. Et ce que l'on peut retrouver, c'est évidemment plus facilement les œuvres d'art, les biens culturels. Avec quelque chose de vraiment systématique. Comment ça se passe d'ailleurs, ce pillage? Alors là, de manière concrète, qui pille? Est-ce que ce sont des soldats allemands? Est-ce que ce sont des sbires de l'armée allemande? Et vous allez me répondre, un peu tout le monde, hein, j'ai l'impression, tout est possible. Non, il y a d'abord un pillage extrêmement organisé sous l'impulsion d'Alfred Rosenberg, qui est donc celui qui a gagné vis-à-vis de Hitler dans la propagande et dans la théorie de cette appropriation. C'est lui donc qui décide que l'art dégénéré ne sera pas, sera jeté, bouté hors d'Allemagne. Mais c'est lui qui organise ce qu'on appelle les Sonderkommando, l'état-major Rosenberg, qui est divisé en plusieurs états-majors, justement, les instruments de musique, les livres, les tableaux, les œuvres d'art, avec un ensemble de spécialistes, des historiens de l'art, des musicologues, des spécialistes des livres, très organisés, qui ont déjà repéré où se trouvent tous ces biens culturels dans les territoires occupés, et qui vont agir extrêmement vite à l'arrivée des Allemands dans chaque territoire. Et donc ça c'est une organisation quasi industrielle de l'appropriation. Et puis s'ajoute à ça, il faut le signaler tout de suite, la concurrence qui va naître entre les Allemands et les Français lorsque le gouvernement Pétain va arriver au pouvoir. Le gouvernement de Pétain va comprendre très vite que les Allemands sont très rapides dans l'appropriation du patrimoine juif. Et l'organisation va se mettre en place par le gouvernement de Vichy, pour s'approprier, pour arianiser ce patrimoine. Donc il y a une organisation extrêmement poussée administrativement, et puis il y a effectivement tous les soldats, les milices, les pillages beaucoup plus sauvages. Les œuvres dont nous parlons, sont-elles dans des musées? Si je prends le cas de la France, y a-t-il la volonté de la part des Allemands de prendre des œuvres qui sont dans les musées français? Alors majoritairement, le pillage a ciblé les biens privés des familles juives. Et comme le dit Korniakovitch, très rapidement, dès la fin du mois de juin 1940, à Paris, les Allemands se servent chez les collectionneurs, chez les marchands juifs et les propriétaires juifs. Donc il y a eu très peu de collections publiques visées. On sait qu'il y a des listes qui avaient été établies par un certain nombre de services allemands d'œuvres des collections publiques qui les intéressaient en particulier. On peut imaginer que si l'occupation avait duré plus longtemps, que s'ils étaient restés plus longtemps, ils se seraient attaqués par la suite aux collections publiques. Mais notamment le musée de l'armée notamment a été visité. Mais globalement, les collections publiques n'ont pas été visées. Il y a même un exemple intéressant. On sait que les musées nationaux avaient pris sous leur aile, pour les protéger avant la guerre, des collections privées, notamment de propriétaires juifs, notamment pour mettre à l'abri des bombardements des œuvres, qui étaient placées avec les collections publiques mises à l'abri dans des châteaux à Chambord et dans bien d'autres châteaux. Et les Allemands sont allés dans ces réserves qui étaient bien connues, elles n'étaient pas cachées, et ils ont pris les caisses des propriétaires privés en laissant les caisses des collections nationales. Voilà, donc c'est essentiellement les biens privés. Corinne Herskovitch. Oui, j'ajouterais simplement que ça, c'est ce qui se passe en France, et je suis un tout petit peu... Enfin, j'ai une vision un tout petit peu différente, justement, ces collections publics qui ont été déménagés tout de suite avant la guerre pour échapper au bombardement et qui ont pris en même temps, à la demande des collectionneurs juifs, certaines collections. On a vu parfois des négociations entre les Allemands et les autorités françaises. Les Allemands avaient réalisé ce qu'on appelle le rapport Kümmel, qui contenait les 2000 œuvres que les Allemands souhaitaient absolument appréhender en France. Et il y a eu des négociations sur certaines œuvres entre les musées nationaux et les Allemands pour échanger des œuvres des collections juives protégées par les Français contre le fait que les œuvres françaises restaient dans les musées. Mais j'ajouterais que dans d'autres territoires, et notamment en Pologne, alors là, les collections publiques polonaises ont été massivement emportées par les Allemands. Donc, y a, surtout à l'Est, dans les territoires de l'Est, les collections publiques ont été très, très massivement pillées. Inès Rotermund-Reinhardt, vraiment, ici, on le sent bien, hein, il n'est pas possible de faire une histoire linéaire des spoliations, tant les situations peuvent être différentes du point de vue géographique, tout simplement. Et puis après, ce temps, malgré tout très court hein, que ça représente, mais c'est un mouvement d'ampleur, c'est extrêmement massif. Oui, absolument. Et ce que je voudrais aussi ajouter par rapport à ce qui a été déjà dit, il y a aussi une grande concurrence entre les différents services allemands. Donc pas seulement entre les Allemands et les Français, pour parler de la France, mais aussi entre ce Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, donc cette unité spécialisée dans les spoliations extrêmement systématiques dans tous les territoires occupés. Ensuite, vous avez en France les tout premiers, dès l'armistice, dès juillet 40, juste après l'armistice avec Vichy, l'ambassade allemande sous le contrôle d'Otto Abetz qui commence en fait à viser les appartements des grands collectionneurs juifs comme Seligman, comme Rothschild, comme Bernheim Jön, etc. Et très vite, au bout de 2-3 mois déjà, il y a ce nouveau service, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, qui prend la main dessus et cette concurrence aussi avec d'autres agents qui vont plutôt essayer d'acquérir les œuvres soit sur le marché ou alors se servir dans les œuvres spoliées pour justement apporter les collections à ce futur projet de Linz, dont parlait déjà David. Donc tout ce petit monde, enfin grand monde, est en concurrence. Et il y a également aussi un autre service allemand qu'il ne faut pas oublier, qui s'appelait le Kunstschutz. Donc c'était un service pour protéger, en fait, le patrimoine qui était en danger. Et donc là, c'est tout ce monde-là qui se marche sur les pieds. Il y a une sorte de course contre la montre. Les agents de Göring essayent d'obtenir des œuvres majeures, alors que d'autres sont réservées pour Linz, etc. Donc, très concrètement, physiquement, ça se passe où, en fait, à Paris? Je pense qu'il faut bien l'expliquer, même si l'histoire est déjà assez connue. Dans un premier temps, la Einsatzstab rassemble les œuvres dans une aile de Louvre, mais très vite, la place devient trop petite. Et en fait, ils confisquent le jeu de paume dans les Tuileries Pourquoi ? Parce que c'est un endroit à la fois suffisamment large pour trier, faire les inventaires, renvoyer aussi les œuvres vers l'Allemagne. Et ça permet également une certaine discrétion avec le va-et-vient des camions. Et c'est là, en fait, où au cœur de Paris, ce tri des œuvres spoliées va s'opérer. Et dans ce lieu, le Jeu de Paume, on trouve un personnage extraordinaire, c'est Rose Vallon. Paris, 2 août 1944, 1511e jour de l'occupation allemande. Devant l'avance alliée, les seigneurs de la guerre, comme ils s'étaient baptisés eux-mêmes, préparent leur retraite, qui va très vite devenir une fuite, puis une déroute. La protection des œuvres d'art ne sera assurée que lorsque tout le monde sera absolument convaincu que cette protection doit exister et doit être assurée par la bonne volonté de chacun. Et je pense que le train permettra justement de mettre ce problème à la portée de chacun. Un train qui devait parvenir en Allemagne à tout prix. Un train tellement précieux que pour lui, les Allemands vont tuer. C'est le dernier épisode de la lutte qui a été entreprise par les musées de France pour s'efforcer de sauver les collections françaises. Je dis collection française, non pas seulement collection nationale. Il est certain qu'on pouvait les diviser en deux catégories, les collections de musées, les collections nationales et les collections particulières. Les collections qui venaient au Jeu de Paume avaient été rassemblées par les Allemands après le pillage de certaines grandes collections nazies. C'était des collections particulières. Or, il se trouvait que dans ces collections particulières, vous aviez quelques-uns des plus grands tableaux modernes qui eussent été peints et rassemblés à Paris. Comme vous le savez, Paris, et particulièrement le Jeu de Paume, avait été avant la guerre le centre de rassemblement de cette école de Paris et de ses recherches picturales. Nous étions en 1964 pour une interview de Rose Vallon et puis pour un extrait du film Le Train de Frankenheimer et Farrell. C'est 1964 aussi. D'ailleurs, j'en profite pour signaler le podcast Rose Vallon, héroïne de l'ombre. C'est l'appli Radio France, évidemment. Parce que là, on a un destin. D'ailleurs, on peut en deux mots présenter Rose Vallon. Un rappel, Inès, David. Rose Vallon était une attachée de conservation, comme on dit, avant la guerre, au musée du Jeu de Paume, qui, comme elle le disait à l'instant, rassemblait la peinture contemporaine étrangère. Et elle, au début de l'occupation, alors que donc les collections ont été mises à l'abri ou mises en réserve. Les Allemands donc réquisitionnent, comme on vient de le dire, le musée pour entreposer les œuvres volées. Et sa présence est tolérée par les Allemands. Elle est maintenue en poste à la demande des musées nationaux et du directeur Jacques Jaujard pour des tâches logistiques, pratiques, organiser la vie du musée sous l'autorité des Allemands. Et en fait, elle va prendre des notes tout au long de l'occupation, c'est-à-dire noter tout ce qu'elle voit passer, toutes les collections privées qu'elle voit passer et qui ensuite repartent, enfin partent en Allemagne. Certaines partent sous le bras de certains nazis en poste, notamment Bruno Lose qui travaille au Jeu de Paume. Et toutes ces notes, va constituer une mémoire très importante pour la recherche après la guerre des œuvres qui sont dispersées en Allemagne. Et elle-même va poursuivre ce travail différemment. Donc elle va partir en Allemagne, être intégrée à l'armée et contribuer à la récupération, comme on le dit, de plusieurs dizaines de milliers, 60 000 objets qui reviennent en France parce qu'ils sont sortis de France pendant l'occupation. Et donc c'est une figure évidemment très très importante qu'on redécouvre depuis un certain nombre d'années. Il y a d'autres également personnes qui ont travaillé avec elle en Allemagne après la récupération des œuvres. Mais voilà, le justice aussi lui est rendu parce qu'elle a pendant longtemps elle n'a pas été très connue pendant longtemps et aujourd'hui voilà, elle fait l'objet d'un regain d'intérêt mérité. Avec pour Rose Vallon ces documents, cette trace d'espoliation qu'elle a pu noter en secret. C'est toute la question aussi pour l'espoliation et ça revient à la question des archives. Inès Rothenbaum-Reinhardt, vous nous avez parlé de tous ces services allemands, cette manie administrative des nazis. Dites-nous, les traces, elles sont là. On arriverait en toute logique à suivre l'espoliation avec la manie de mettre d'où vient le tableau, où il a été envoyé. Est-ce que c'est le cas ? Alors absolument, c'est en partie le cas. Il y a énormément de traces, il y a énormément d'archives aussi qui s'ouvrent petit à petit. Enfin, beaucoup sont déjà ouverts depuis des décennies et d'autres sont accessibles depuis peu. Alors je pense notamment en France à tous ces dossiers judiciaires qui sont très importants en fait pour... Alors ça paraît un peu étonnant pour un historien de l'art, mais on dépouille énormément d'archives de différentes ampleurs. Et pour revenir à la France, ce qui se passe justement... directement après la guerre. Non seulement il y a la CRA dans la commission récupération artistique qui ramène les œuvres en France, mais il y a aussi une justice, des tribunaux spéciaux qui se mettent en place pour juger les collaborateurs. Et donc nous, aujourd'hui, pour les chercheurs de provenance, historiens, historiens de l'art, on se plonge souvent dans tous ces dossiers qui sont en fait accessibles depuis peu, puisque les dossiers judiciaires, généralement, il y a une protection pendant 70 ans, 75 ans. Et là, il y a une ouverture depuis 2015 en France permettant d'accéder à ces dossiers où on voit notamment des acteurs du marché de l'art qui ont été jugés juste après la guerre, qui étaient actifs pendant la guerre, qui se sont énormément enrichis, qui doivent donc se défendre, rendre compte de leurs activités. Donc, alors pour revenir aux archives, donc ça c'est côté français. Après, comme vous dites, évidemment, côté allemand, il y a ce système extrêmement vaste, mais en même temps très organisé. Et donc, on retrouve cette traduction de ce système dans les archives. Et je pense que ça, c'est peut-être la clé, en fait, de toute recherche aujourd'hui. Il faut qu'elle soit transversale et internationale, européenne d'abord, mais ensuite aussi internationale, parce que les archives aussi ont été déplacées, sont un peu partout, sont en Europe, sont parfois à Moscou, sont à New York, ailleurs. Donc c'est ça le grand travail qu'on a, effectivement, de croiser les sources aujourd'hui. David Zivi. Oui, c'est simplement pour compléter. Il y a en effet certains services allemands qui ont fait des inventaires au moment du pillage, notamment au jeu de paume, et on a parfois, chercheurs, familles, avocats, la chance, si on peut dire, de trouver des fiches qui sont bien connues aujourd'hui, avec des noms de spoliés, des adresses de spoliation et des photographies parfois, de très bonne qualité d'ailleurs, prises sur le moment. Et donc ça nous aide évidemment beaucoup. Il y a la trace matérielle sur l'œuvre, parfois, des tampons, des marques à l'encre, à la craie. Et puis, il y a aussi bien des cas où il n'y a pas de traces, malheureusement, et nous recherchons des œuvres dont on ne connaît pas le parcours, et nous travaillons aussi sur des œuvres que nous avons, dont la provenance est incomplète, et on ne comprend pas leur parcours, parce qu'il n'y a pas nécessairement de traces, ou qu'elles n'ont pas encore été retrouvées, découvertes, ou que les traces ont été détruites. Oui, alors je crois qu'il faut quand même signaler que nous sommes maintenant très très loin après la guerre, plus de 80 ans après la guerre. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'au lendemain de la guerre, il y avait encore beaucoup de traces. Et donc là, on peut se poser la question de l'organisation des restitutions. Il y a eu un très très grand mouvement de restitution tout de suite après-guerre, justement, qui s'appuie sur cette déclaration solennelle de Londres du 5 janvier 1943. Mais ce mouvement de restitution, très important, s'est tari très vite. Il fallait reconstruire, il fallait penser à autre chose. Et donc, on a éteint, en quelque sorte, les recherches, les réflexions autour des restitutions à partir de 1955-1960. Et on a oublié cette période, on a mis un voile sur cette période. Donc, la résurgence de cette question des restitutions se fait 80 ans après. Et même si des traces subsistent, elles sont donc éparpillées parfois, et surtout les acteurs et les témoins de cette période ont disparu, donc c'est plus difficile. Mais je suis convaincue que la science, la recherche de provenance qu'on est en train de mettre en place, sur laquelle on travaille énormément depuis plusieurs années, et Inès Rotter-Moon-Reinhardt est une des grandes actrices de cette recherche de provenance, je pense que la formation et le dynamisme que prend cette science aujourd'hui va permettre justement de retrouver beaucoup de traces qui semblent aujourd'hui perdues, mais qu'on peut retrouver. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, spoliation nazie à la recherche des œuvres perdues. Grâce à une déclaration du président de la République française en 1995, la France a accepté de reconnaître qu'elle était aussi peut-être un peu pour quelque chose dans ce qui s'est passé à l'encontre des Juifs. Et personnellement, je dois dire que cela me rassure et cela me conforte, car la reconnaissance de la responsabilité de Pétain dans cette affaire, dès le mois d'août 1940, était quand même à faire réapparaître à la surface de nos événements. En août et septembre 40, les Allemands n'avaient rien demandé. Oui. Pourquoi l'administration française s'est-elle précipitée dans ce type de mesures que l'on connaît? Tout simplement parce que ça correspondait vraiment à ce qu'elle souhaitait faire. D'ailleurs, vous savez, l'histoire nous révèle aujourd'hui que des hommes comme Pétain ou comme Darlan étaient déjà entrés dans le mécanisme de l'antisémitisme. Ils étaient entrés. Bon, et comme ça correspondait peu ou prou à un certain sentiment profond de la France, comme c'était vrai de la Pologne, des pays de l'Europe de l'Est, etc., il n'y a pas eu de mouvement dans les rues à l'époque pour défendre la communauté juive. Il faut que la France balaye un peu devant sa conscience, si j'ose dire, ça nous mettra plus à l'aise pour songer à l'avenir. C'est en 2000, Jean Matteoli qui s'exprimait à... C'est une parole extrêmement juste et qui fait vraiment écho à des prises de parole autres que nous pouvons entendre parfois aujourd'hui sur la responsabilité de Pétain. Nous avons une histoire de la restitution. Il y a la restitution des œuvres, il y a ces enquêtes dont nous parlons aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Mais l'idée même de restitution a une histoire. Il y a ce moment, vous nous en parliez, Corinne Herskovitch, l'après-guerre, avec une restitution massive, sans doute les œuvres les plus facilement traçables. Il y a une période d'oubli ensuite, c'est vraiment ça? Oui, absolument, il y a une période d'oubli à partir du moment justement où on estime qu'il faut passer à autre chose. On voit d'ailleurs, David Zivil disait tout à l'heure, la figure de la restitution, Rose Vallant, elle-même a été oubliée, parce qu'on a voulu tourner la page, et on va voir au sein des musées nationaux une volonté aussi de passer à autre chose qui va se cristalliser au moment de la résurgence de la pensée, la réflexion sur les spoliations et les restitutions. Ça ne va pas aller de soi. Ça va être difficile de réouvrir cette page de l'histoire, mais on voit aujourd'hui que finalement... On y arrive. On y arrive, et c'est vraiment quelque chose de nécessaire. David Zivil, vous êtes chef de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, qui dépend du ministère de la Culture. Après cette période d'oubli, ou en tout cas d'aveuglement volontaire, à quel moment voit-on ressurgir cette question des restitutions? Alors, on la voit réapparaître à ce moment qu'évoquait Jean Matteoli dans l'extrait que vous avez diffusé, au milieu des années 1990, un peu partout dans le monde, en Europe, dans différents pays. Le temps a passé et les générations ont passé, et peut-être que les enfants et les petits-enfants des victimes s'intéressent davantage à la question, se posent justement, interrogent leurs parents ou leurs grands-parents qui ne sont plus toujours là, ou enfin s'intéressent à cette question qui n'avait pas été évoquée. Des archives nouvelles apparaissent à l'est après la chute du mur, et la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale se transforme, et la place du génocide des Juifs, de la Shoah dans la mémoire de la guerre a pris plus d'ampleur que dans les décennies précédentes. Et donc l'ensemble de ces faits a pour conséquence que c'est cette question des pillages, des spoliations, encore une fois des spoliations dans leur ensemble et des biens culturels en particulier, refait surface, si on peut le dire ainsi, et un certain nombre de politiques sont mises en place plus ou moins facilement, avec des résistances, comme le disait Corinne Herskovitch aussi. Et en France, donc, on a ce discours de Jacques Chirac qui vient en 1995, qui vient en plus, clore ce débat, qui est parfois ouvert, comme vous le disiez, de la responsabilité de la France dans la persécution des Juifs de France. Et à partir de ce moment-là, on s'interroge, et en France notamment, sur les spoliations des Juifs en France, et sur ce qui a été fait déjà, et sur ce qu'il reste à faire. Et une politique de réparation est mise en place, avec la création de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Mais Inès Wattemond-Renard en parlera, elle en est membre de cette commission. Et une politique de recherche d'œuvres, de biens d'œuvres culturelle portée progressivement par le ministère de la Culture et qui se poursuit aujourd'hui en s'amplifiant, je crois. Inès Wattemond-Renard, vous êtes chargée de recherche en provenance au musée d'Orsay. D'ailleurs, c'est étonnant toujours ce titre, c'est chargée de recherche en provenance. Ça veut dire quoi? Vous recherchez la provenance des œuvres? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est tout récent. Hein. Ça fait même pas deux semaines que j'ai été nommée. Bah, félicitations. Oh, c'est fonction. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Alors l'idée, c'est retracer les provenances, donc essayer de comprendre à qui appartenaient les œuvres, à quel moment et quel transfert de propriété a eu lieu. Donc, évidemment, on dépouille les catalogues de vente, mais aussi, comme je les ai cités, d'autres fonds d'archives pour comprendre voilà, à quel moment l'œuvre était dans la main de quel marchand ou de quel collectionneur, pour vraiment avoir idéalement donc, une sorte de chronologie, une sorte historique, presque un journal intime, quelque part, au niveau de la propriété de l'œuvre d'art. Mais il y a l'institution dont nous parlons, et c'est très légitime, cette démarche. C'est toujours la question, hein, qui lance le mouvement? Est-ce que l'institution suit une volonté d'individu, de particulier, ou est-ce que c'est un mouvement beaucoup plus large? C'est toujours la question, hein, l'œuf ou la poule, mais on n'a jamais vraiment la réponse. Il y a quand même une volonté des individus et des particuliers pour retrouver ces œuvres. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est d'observer justement d'où vient ce mouvement dans les années 90, pourquoi, comment tout ça revient sur le devant de la scène. Et il y a deux ouvrages qui sont très importants justement dans cette résurgence. Il y a un ouvrage du journaliste cubain Hector Feliciano qui s'appelle Le Musée disparu. Et il y a un ouvrage d'une historienne américaine qui s'appelle Le pillage de l'Europe. Et pour ce qui concerne Le Musée disparu, c'est plus spécifiquement la France qui est mise en lumière, et cet ensemble d'œuvres qui porte le sigle MNR, Musée National Récupération. Et en fait, en France, les consciences se réveillent beaucoup autour de cet ensemble d'œuvres qui a été confié à la garde des musées après la guerre. Donc, comme l'ont dit David et Inès, Rose Vallant a pu renvoyer en France, à partir de tous ces collecting points qui ont été découverts par les Monuments Men, elle a pu renvoyer en France environ 60 000 œuvres. 45 000 ont pu être restituées à leurs propriétaires. 13 000 ont été vendues par les domaines parce qu'ils n'avaient pas de propriétaires pas de propriétaires identifiés et que la France avait besoin d'argent. Donc on a vendu environ 13 000 biens. Et puis, il y en a un peu plus de 2000 qui ont été choisis par une commission de choix, parce que, pour la plupart, ils étaient suffisamment importants, parce que leur origine avait une importance. En tout cas, environ 2000 œuvres ont été confiées à la garde des musées, sans que les musées n'en deviennent propriétaires. Et c'est resté comme ça, jusque la fin des années 80. Et puis, il y a eu quand même une prise de conscience que ces œuvres qui étaient classées sur un inventaire provisoire, qui n'était pas la propriété des musées, il fallait quand même identifier quoi en faire, ce que c'était, d'où ça provenait. Et c'est là que la question ressurgit. Et puis, il y a quand même une réaction des musées. Et en 1996, Françoise Cachin, qui était alors directrice des musées de France, organise un colloque pour expliquer exactement d'où proviennent ces œuvres, ou en tout cas pour tenter de justifier les musées qui n'ont pas fait les recherches de provenance à l'époque sur l'origine de ces œuvres, la traçabilité et éventuellement leurs propriétaires. Nous allons croiser Françoise Cachin. C'est un réflexe dans un sens normal, c'est-à-dire de conserver ce qu'on a et d'accumuler et de surtout rien rendre, puisque c'est une fois qu'on l'a, même si c'est volé, ce n'est pas grave, on l'a, c'est à nous. C'est le réflexe du voleur qui, si on lui prend ce qu'il a volé, eh bien se considère lui-même comme volé. Les musées de France ne sont pas des receleurs d'objets volés aux pauvres juifs pendant la guerre. C'est faux. Les objets qui sont revenus d'Allemagne en 1945 ont été rendus pour la plupart, puisque 45 000 ont été rendus aux familles spoliées. Il en reste effectivement. Il en reste qui sont toujours à la disposition de qui veut les récupérer, qui peut prouver qu'il les a, que c'était dans sa famille. C'est Arnaud Clarsval qui s'exprimait, et puis ensuite Françoise Cachin, directrice des musées de France. On était en 1997, c'est-à-dire au moment où est mise en place la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France. C'est la mission Matteoli. D'ailleurs, David Zibi, c'est quoi cette mission 1997? On voit bien toute la chronologie. 1995, le président Chirac reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Et nous avons ici la mise en place de cette mission. Oui, c'est une mission qui est confiée donc à Jean Matteoli et au professeur Adi Steg, qui est lancée par le Premier ministre Alain Juppé et reprise par Lionel Jospin lorsqu'il arrive à Matignon. Et c'est une mission confiée essentiellement à des historiens qui est chargée de faire le point sur ce que l'on connaît des spoliations subies par les Juifs dans l'ensemble des domaines. L'immobilier, la banque, les assurances, les biens professionnels et les biens culturels. Et pour les œuvres d'art, un rapport spécifique est confié confié à deux historiens de l'art et conservateurs du patrimoine, Didier Schulman et Isabelle Lemann de Chermont, qui vont essentiellement travailler sur ces œuvres Musées Nationaux Récupération, dont parlait Corinne Herskovitch, qui n'est, on pourra y revenir, qu'une partie des biens qui ne sont pas nécessairement tous spoliés, qui ne sont pas tous les biens spoliés. Les biens spoliés sont ailleurs aussi dans les collections. Et donc cette commission va établir un état des lieux de ce qui a été spolié et de ce qui a déjà été fait en matière de restitution et d'indemnisation, qui est un mot que nous n'avons pas encore prononcé ce matin, mais qui est important, et qui va faire un certain nombre de recommandations, et notamment... va avoir pour conséquence, cette commission va permettre la création notamment d'une part de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est dotée d'un budget important à partir notamment des fonds qui dormaient encore, notamment la Caisse des dépôts et consignations, qui va disons avoir une action de solidarité pour les derniers survivants et de mémoire et de recherche. Et puis la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, qui est créée en 1999 et qui est chargée de proposer des indemnisations quand ça n'a pas déjà été fait et des restitutions quand c'est possible. Et c'est la base, la mission reste aussi un moment très important, une source aussi très importante pour nous aujourd'hui encore. En 1997, cette mission, c'était de ça dont parlait Françoise Cachin, quand, directrice des musées de France, et quand elle évoque, et on l'a entendu dans l'archive, la nécessité de venir et d'apporter des preuves que cette œuvre appartenait bien à la famille. Alors là, c'est toute la question. Tenez, on a une juriste, une avocate avec nous, Corinne Herskovitch. Non, c'est la vraie question ici qui se joue. C'est la vraie question et on va voir que ça va être très très difficile au début. C'est-à-dire que effectivement, cette parole de Françoise Cachin reflète exactement la position et la position très forte qui est opposée par l'État français à toute revendication. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ces deux ouvrages vont être diffusés, vont être lus par des familles qui ont mis un voile, effectivement, sur cette période, parce qu'il faut se rendre compte qu'à la libération, lorsque les Juifs qui ont survécu à la Shoah reviennent en France, ils sont confrontés quand même à ce passé très difficile à digérer. Il faut réintégrer la société française. Ils en ont été exclus. Ils sont devenus des majeurs incapables, c'est-à-dire qu'ils ne disposent plus de leur patrimoine, et ils ont été persécutés. Il faut réintégrer la société française, et on leur fait comprendre assez rapidement que pour réintégrer la société française, il ne faut pas réclamer ce qui leur a été volé. Donc il y a réellement un arrêt total des revendications et une perte de la transmission de cette mémoire. Moi, j'ai quand même vraiment constaté que les propriétaires spoliés se sont tus après-guerre et que la mémoire de cette spoliation a été oubliée. Et donc, ceux qui vont commencer à comprendre ce qui s'est passé vont s'interroger exactement sur les raisons pour lesquelles on ne leur en a pas parlé. Et il y a vraiment une interrogation très... très douloureuse. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas que notre grand-père avait une collection de tableaux qui a été spoliée? Et donc, si on ne sait pas, on va avoir beaucoup de mal à démontrer quels étaient les tableaux qui faisaient partie de cette collection. Donc on va être confronté dans un premier temps, dans la fin des années 90, on va être confronté à cet affrontement entre les conservateurs, qui sont toujours les gardiens de ces tableaux qui leur ont été confiés. Alors, il y a les MNR, mais il y a tous les tableaux qui ont intégré les collections nationales pendant la guerre, après la guerre, avec une provenance douteuse. Et il va falloir reconstituer ce qui a été perdu. À l'époque, on n'a pas encore ouvert toutes ces archives, donc c'est très, très difficile. Et pour les particuliers, il va falloir faire des enquêtes extrêmement compliquées. À l'époque, il n'y a pas de chercheurs de provenance. Ce sont des historiens de l'art, mais on n'a pas encore compris qu'il fallait organiser ces recherches de provenance d'une autre manière. Donc effectivement, ça va être très difficile et on va se heurter à une position de l'administration du ministère de la Culture qui est très ferme. C'est à vous de démontrer que ces œuvres vous appartiennent. C'est très difficile. Hein. Vous l'avez bien dit, la recherche de provenance, c'est un métier. Enfin, il faut avoir des connaissances gigantesques parce que, bien sûr, vous l'avez dit, Inès Rotermont-Trenard, il y a les archives produites par l'administration. Mais alors, dès qu'il s'agit des particuliers, mais c'est très difficile. On ne va pas retrouver les factures, on ne va pas avoir les preuves. Comment on trouve parfois un lien et se dire, bon, cette œuvre-là qui a été vendue par tel marchand à tel musée, en fait, appartenait à une personne? Oui, effectivement, c'est extrêmement difficile pour les familles. Et comme disait Corinne Herskovitch, souvent, il y a très peu de traces et surtout ce silence qui a pesé dans les familles. Pour donner peut-être un exemple très concret et qui nous a occupés ces dernières années, c'est une histoire très émouvante d'un collectionneur, grand mécène d'art, ami d'artiste, Hugo Simon, qui était un juif allemand, grande personnalité de la politique démocratique en Allemagne des années 20. Et qui doit donc partir en exil en 33, d'abord en France. Il arrive à emmener une grande partie de sa grande collection, notamment d'expressionnisme allemand, en France. Et ensuite, en arrivant avec l'arrivée de la guerre en 39, il doit fuir à nouveau. Il peut éviter, heureusement, les camps en France où sont internés ces réfugiés juifs allemands et autrichiens et autres. Mais donc, il doit partir. Donc, il quitte la France pour le Brésil, mais sous un faux nom. C'est la seule possibilité, c'est d'accepter un faux passeport. Il atterrit au Brésil dans des conditions extrêmement difficiles économiques et surtout après la guerre, il a toujours cette fausse identité. Donc tout ça pour dire que lui, il meurt là-bas dans les années 50. Il avait essayé de récupérer ses biens après la guerre, mais c'était extrêmement difficile de prouver qu'il était ce Hugo Simon et pas ce monsieur avec un faux nom, avec un faux passeport. Et donc là, ça a duré 3 générations. Moi, j'ai rencontré son arrière-petit-fils vers 2008-2009. Il m'avait contacté parce qu'il y avait des liens. Moi, j'avais fait ma thèse sur justement un critique d'art juif allemand qui avait fui aussi le nazisme et qui était ami avec ce Hugo Simon. Et donc, 3 à 4 générations après, en échangeant, en dialoguant, on a essayé de reconstituer les morceaux. Ce arrière-petit-fils a été en train d'écrire une très belle biographie sur son arrière-grand-père. Et il nous a raconté, en fait, il ne savait même pas qu'il avait un arrière-grand-père juif allemand. Lui, il pensait que sa famille c'était des exilés d'origine française. Donc, c'est un exemple pour vous donner, donc là, une histoire familiale, mais qui s'est concrétisée avec, qui a quelque part une sorte de mini-happy end, parce qu'en fait, il y a aussi un tableau d'un expressionnisme allemand, Pechstein, qui a été retrouvé donc, au Musée national d'art moderne. Et en échangeant entre les différents conservateurs du musée, entre cet ayant droit de la famille, des différents chercheurs, en recroisant les sources d'archives, moi j'avais trouvé un inventaire de cette collection à Moscou. Donc ça a pris des années, mais le tableau a pu être restitué aux ayants droit il y a, je ne me trompe pas, il y a 2 ans, il me semble, 2021. David Divi acquiesce. Oui, ce tableau a été restitué le 1er juillet 2021. Je voulais simplement peut-être compléter ce que disait Corinne Herskovitch pour arriver un peu plus à aujourd'hui et à la recherche aujourd'hui et au positionnement des pouvoirs publics, de l'État, du ministère de la Culture et des musées en général, des bibliothèques aussi qui ont des livres spoliés parfois dans leur fond. Donc c'est en effet tout à fait vrai, il y a eu cette réticence que l'on entendait tout à l'heure et cette demande de preuves est très difficile à rassembler. Et heureusement, au cours des 20-25 dernières années, et ces dernières années en particulier, les pouvoirs publics, le ministère, les différents ministres de la Culture, les premiers ministres, ont pris position pour faire davantage. Nous essayons collectivement avec les musées et avec ces nouveaux chercheurs que l'on appelle chercheurs de provenance, qui est cette discipline qui se développe aujourd'hui, d'une part de répondre aux questions. Il y a toujours des questions et c'est important qui arrivent de la part des familles. Et nous essayons aussi de développer la recherche de notre propre initiative, dite recherche dite proactive, sans attendre les demandes de familles. Et on voit heureusement le nombre de restitutions augmenter. Ça reste évidemment insuffisant par rapport à l'ensemble des biens spoliés, des restitutions d'œuvres qui faisaient partie de cet ensemble Musées Nationaux Récupération. S'il y a 200 œuvres qui ont été restituées depuis la guerre, depuis l'arrêt des grandes restitutions en 1950, on voit que près de la moitié ont été restituées dans les 10 dernières années. Donc ça, c'est un point, je crois, important. Et il y a également donc une volonté politique, qui a été réaffirmée par la ministre de la Culture aussi, Rima Abdul-Malak, très récemment, dans le fait d'ouvrir la porte de sortie des musées, le cas échéant. Ça veut dire que lorsque l'on trouve une œuvre spoliée dans les musées publics, il y a une œuvre qui a intégré les collections publiques, donc qui est là normalement pour toujours, et bien désormais, on pourra la faire sortir pour restituer. C'était l'objet de la loi qui a été adoptée cet été, le 22 juillet 2023. qui permet donc de à l'avenir, de ne pas passer d'ailleurs à chaque fois par le Parlement pour faire sortir une œuvre. Donc il y a une évolution, on sait qu'on a évidemment beaucoup de travail à mener. Et enfin, sur la question de la preuve, je crois qu'on évolue, on a quelques cas compliqués sur lesquels il y a des débats, mais on fait des restitutions d'œuvres dont on ne connaît pas complètement la provenance. Le cas qu'évoquait Inès Rothermund-Renard à l'instant, ce tableau de Pechstein qui a été restitué il y a 2 ans, on ne connaît pas exactement toutes les étapes, on ne comprend pas exactement ce qui s'est passé pour qu'il arrive dans les années 60 dans un musée à Paris. Mais il y avait suffisamment d'éléments pour que l'on puisse restituer l'œuvre. Peut-être ne l'aurait-on pas fait il y a 5 ou il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a bien entendu ce qu'on nous a dit, ce qu'a dit le juge parfois, la Cour d'appel de Paris. On ne peut pas demander de preuves impossibles. Et c'est notre travail que de peser les éléments. Le doute, est-il suffisant? Est-il bloquant? Ou peut-on passer outre? Vous l'avez dit avec justesse, David Zivi. Nous parlons beaucoup de tableaux, mais il n'y a pas que des tableaux. Hein. Il y a les livres aussi. Il y a tant et tant d'œuvres et d'objets qui ont été spoliés. Sonate en ré majeur, c'est la numéro 9 de Mozart, interprétée par Wanda Landowska, parce que grande collectionneuse d'instruments de musique, spoliée par les nazis. Dites-nous, Corinne Herskovitch, bien sûr, quand nous pensons restitution, il y a l'œuvre majeure, la tourelle d'un maître, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est pas simplement la volonté de récupérer une œuvre qui vaut aujourd'hui des millions. C'est aussi s'inscrire dans une histoire familiale et renouer avec cette mémoire-là. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que les œuvres majeures des grands maîtres sont très prisées. C'est ça qui a marqué les consciences avec, par exemple, cette femme au tableau dont on entendait un extrait à l'ouverture de l'émission. Le film, oui. Oui, qui raconte l'histoire de ce Klimt, de ces 5 Klimt qui ont été récupérés par Maria Altman, qui est la descendante du propriétaire spolié à Vienne. C'est très important, mais il y a beaucoup de biens culturels et on sait que les communautés juives étaient très versées dans la musique. Et donc, dans ces pillages d'appartements dont parlait David Zivi tout à l'heure, 40 000 environ à Paris, il n'y avait pas toujours des œuvres d'art, mais il y avait très souvent des instruments de musique. Et dans ces organisations absolument industrielles d'appropriation, il y avait un des états-majors Rosenberg consacré uniquement à la musique pour le pillage de la littérature musicale et de tous ces instruments de musique. Un des objectifs étant de transporter ces instruments sur le front de l'Est parce que les Allemands s'installaient sur le front de l'Est et les Allemands étaient eux aussi très amateurs de musique et donc il fallait fournir des instruments de musique à ces Allemands qui s'installaient sur le front de l'Est. Donc oui, aujourd'hui, et ces instruments de musique, c'est très difficile de les récupérer parce que, en général, sauf cas très particulier d'un Stradivarius exceptionnel, il est difficile d'identifier ces instruments de musique. Or, qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus intime qu'un instrument de musique? Un violon, une clarinette, c'est quelque chose de très intime. Et celui qui va jouer cet instrument 80 ans après peut se poser la question de savoir entre quelles mains il est passé. Donc effectivement, la restitution, la recherche de ces instruments de musique, ne serait-ce que dans une démarche mémorielle pour savoir aujourd'hui qui joue sur quel instrument et qui, dans le passé, a joué cet instrument, ça me paraît très important aussi. Ouais, c'est cette recherche aussi de provenance. Dites-nous, Inès Rothermund-Renard, vous êtes nombreuses, nombreux à faire ce métier. Alors, on parle du cas français, mais c'est une histoire qui est évidemment internationale. Oui, je dirais la communauté est constamment en train de s'agrandir, heureusement. C'est vrai qu'en France, on n'est pas encore si nombreuses pour l'instant. On a quand même consacré ces dernières années aussi beaucoup de temps à la formation d'une jeune génération. David, avec sa mission, fait régulièrement des formations, soit pour les jeunes futurs conservateurs. Moi, j'avais un projet de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art, où on a également fait participer beaucoup de jeunes étudiants, soit en publiant leur première recherche, ou en tant que stagiaire, ou en travaillant en partie pour le projet. Les moyens restent un peu faibles, trop faibles. Donc j'espère effectivement, avec les quelques postes qui se mettent en place dans les musées français, j'espère que ça fera des bébés, j'espère que ça donnera un exemple à d'autres institutions. Il est vrai que pour comparer à l'échelle européenne, qu'en Allemagne par exemple, la communauté des chercheurs de provenance est beaucoup plus grande. Il y a vers 2000 une première association qui s'est créée avec 4 membres et aujourd'hui ils sont dans les 300-400. Mais bon, il y a une autre responsabilité historique aussi de l'Allemagne. Et puis, ce métier, c'est aussi porteur d'une éducation, vous l'avez dit, parce que c'est aussi modestement ce que nous faisons ici en parlant, et ce que fait la mission de recherche aussi de restitution des biens culturels spoliés, c'est le ministère de la Culture, c'est vous aussi, Corinne Herskovitch, en tant qu'avocate. Enfin, c'est un mouvement beaucoup plus vaste qui permet de comprendre cette histoire qui est intéressante en tant que telle, des restitutions et plus globalement l'enquête qui conduit après à des mémoires renouées. Merci vivement à tous les trois. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment distinguer l'anti-judaïsme et l'antisémitisme ? Jusqu'à la fin du 19e siècle, le terme le plus fréquent pour désigner la haine des juifs était anti-judaïsme. Ces discours de haine se sont diffusés au sein de l'Église catholique, surtout à partir de 1096, quand le pape Urbain II a exhorté les fidèles à partir en croisade. Des représentants éminents du monde chrétien, comme le moine Bernard de Clairvaux, condamnèrent les pogroms qui se multiplièrent alors, notamment à Rouen, à Metz et en Allemagne. Néanmoins, l'anti-judaïsme fut alimenté par d'autres hauts dignitaires de l'Église, comme Pierre le Vénérable, qui fut le 9e abbé de Cluny. Celui-ci s'étonna que les croisés puissent s'aventurer aussi loin contre les infidèles, alors que les Juifs, qui sont de loin plus nuisibles que les Sarrasins, disait-il, blasphèment, foulent aux pieds, flétrissent en toute impunité le Christ et les sacrements chrétiens. L'anti-judaïsme prit une tournure officielle dans l'Église chrétienne en 1215, lors du 4e concile du Latran. Il fut alors décidé que les Juifs, comme les musulmans, devraient porter sur eux une marque distinctive, qu'on appela la rouelle. Il fut également interdit aux Juifs d'exercer des fonctions d'autorité ou d'avoir des relations professionnelles et sociales avec les chrétiens. Les Juifs furent ainsi confinés pendant des siècles aux marges de la société. En Europe, le processus d'émancipation des Juifs débuta au XVIIIe siècle. Il fut entériné au début de la Révolution française grâce au décret adopté le 27 septembre 1791. Mais les préjugés religieux, ressassés pendant des siècles et des siècles, n'ayant pas disparu subitement, furent le terreau dans lequel l'antisémitisme put prendre racine au cours des dernières décennies du XIXe siècle. Ce mot, apparu en 1879 dans un pamphlet publié par le journaliste allemand Wilhelm Marr, est une adaptation des discours de haine traditionnels visant les Juifs au nouveau contexte social et politique qui s'est imposé en Europe à ce moment-là. L'engouement pour la science explique que Marr est tenté de se démarquer du vieux langage religieux au profit d'un vocabulaire racial considéré comme scientifique. Le mot « antisémitisme » a été alors privilégié par ceux qui présentaient les Juifs comme des représentants de la race sémitique. La révolution industrielle joua aussi un grand rôle dans ce changement de contexte. Wilhelm Marr, qui avait été député d'extrême-gauche en 1848, transposa en effet le discours marxiste sur la lutte des classes pour faire du Juif, incarné par la figure de Rothschild, le symbole du capitalisme. Le dernier point qu'il faut mentionner pour expliquer pourquoi le mot antisémitisme s'est diffusé dans le vocabulaire courant concerne la politisation de l'antijudaïsme traditionnel au moment où s'est imposée la démocratie parlementaire. Les agitateurs qui voulaient fabriquer une idéologie susceptible de rallier les suffrages populaires exploitèrent les ressources identitaires que recèle le nationalisme en mobilisant à leur profit les préjugés concernant les Juifs. Ce sont les mêmes ressources que le journaliste polémiste Édouard Drumont a repris à son compte au début des années 1880 pour propager l'antisémitisme en France. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Félix Delacour. Émission préparée par Anne-Toscane Diudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Hey, vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.